Je voudrais tout d'abord remercier le professeur Yvan Loskutov et puis vous remercier tous aussi pour tout ce que j'ai entendu depuis hier, parce que c'est passionnant. Et vis-à-vis d'un numismate comme je suis, avant tout spécialiste des monnaies, j'ai énormément appris sur les médailles. Alors, et lorsque Yvan Loskutov m'a confié la tâche d'évoquer devant vous l'histoire métallique de Louis XV, il m'a soumis un véritable dilemme. Comment parler d'une histoire métallique venant après celle de Louis XIV, alors que du vivant de Louis XV, aucun ouvrage comparable à celui qui s'appelle « Médaille sur les principaux événements du règne de Louis le Grand » avec des explications historiques, ouvrage dit « Histoire métallique », ouvrage officiel sorti des presses de l'imprimerie royale, aucun ouvrage de ce type n'a vu le jour sous Louis XV. Non pas qu'il n'y eut pas de médailles sous le règne de Louis XV. Elles sont nombreuses, elles sont variées, et à la différence de celles de Louis XIV, surtout par rapport à la série uniforme de 1702, elles montrent un plus grand nombre de portraits différents et soignés qui expriment tout l'art et la grâce du XVIIIe siècle. Nombre de médailles de Louis XV sont au moins aussi intéressantes par leur portrait que par leur motif du revers qui a justifié leur création. Cette évolution, typique du règne de Louis XV et qui s'exprime tout au long de cette période de près de 60 ans, me semble due à trois raisons. La première, c'est que pendant toute la régence de 1715 à 1722, l'Académie a été occupée par la deuxième édition de l'histoire métallique. L'édition de 1702, comme on le sait, s'était arrêtée au tout début du XVIIIe siècle, lorsque le duc d'Anjou, petit-fils de Louis XIV, était devenu roi d'Espagne sous le nom de Philippe V. Or, le règne de Louis XIV va durer encore 15 années, presque toutes consacrées au déroulement de la guerre de succession d'Espagne, laquelle ne cesse qu'après les traités d'Utrecht en 1713 et de Rastatt en 1714. Pendant toutes ces années, les événements militaires prennent le pas sur tous les autres. Et il est difficile de les célébrer, car pendant cette guerre de succession d'Espagne, les défaites des armées de Louis XIV sont nombreuses, plus nombreuses que les victoires. L'étoile du roi Soleil a pâli, il n'est plus conquérant, il est partout sur la défensive. Ses armées sont battues en Italie, vaincues en Allemagne. Philippe V doit abandonner sa capitale Madrid en Espagne. La Catalogne tout entière s'est insurgée contre le roi officiel donnant sa préférence à un précédent. Un prétendant, Charles de Habsbourg, et la reconquête de Barcelone n'aura lieu finalement qu'à l'automne 1714. Si l'on ajoute les défaites en Flandre, les prises de villes françaises, prises par l'ennemi, Landau, Lille, Tournai, Aire-sur-la-Lys, il n'y a guère matière à ajouter aux pages glorieuses du règne précédemment arrêté en 1700 au lendemain de la paix de Ryswick. cette paix avait garanti au roi Soleil toutes ses conquêtes, y compris celle de Strasbourg, sous réserve de cesser l'occupation des duchés de Lorraine et de Bar rendus à Léopold Ier. Encore, ce dernier doit-il prêter à Louis XIV l'hommage d'un vassal pour le duché de Bar, comme nous l'avons vu hier après-midi. Le tour de force des académiciens sera de constituer, pour cette période difficile, 1700-1715, un habile ensemble de médailles glorifiant Louis XIV et utilisant les événements familiaux, notamment les naissances des enfants de la famille royale, et mettant en exergue les quelques succès militaires obtenus, peu nombreux mais significatifs. En Espagne, et on nous en a reparlé tout à l'heure, l'importante victoire de Villa Viciosa en 1710, suivie de la prise de Gérone en janvier 1711. En Flandre, naturellement, avec la victoire de Denain, qui délivre la France de l'invasion et ouvre la voie aux négociations de la paix d'Utrecht, puis de Rastatt, événement qui donne lieu naturellement à l'édition de médailles. Afin de réaliser cette seconde édition de l'Histoire métallique qui n'est publiée qu'en 1723, c'est-à-dire la régence étant terminée, les académiciens sont obligés d'y consacrer tout le temps de cette période. Leur tâche, en effet, ne se limite pas à compléter l'édition de 1702. Des critiques avaient alors été formulées vis-à-vis de certaines légendes et un texte de présentation de l'ouvrage qui devait accompagner celui-ci, nous l'avons vu tout à l'heure, avait été refusé par le roi. D'où la révision d'un certain nombre de médailles, et en 2015, j'en avais donné quelques exemples pour les événements militaires survenus en Catalogne. Des légendes avaient été modifiées, mais parfois aussi certains motifs, comme nous l'avons vu notamment hier, à travers la remarquable communication de Madame Canova Green, consacrée à la médaille de 1652, montrant le retour du roi à Paris. À cet égard, je me suis demandé si une des raisons de la modification de la médaille, notamment en ce qui concerne les clés de Paris, n'était pas due au fait que sous la Régence, le pouvoir royal n'est plus à Versailles, mais il est revenu à Paris en la personne du régent et du roi. Il n'était peut-être alors pas très opportun d'accabler la capitale qui était rentrée en grâce auprès du pouvoir. Outre ces compléments et ces modifications, on trouve aussi dans l'édition 1723 de l'Histoire métallique des adjonctions. C'est ainsi, par exemple, qu'apparaît en 1664 la médaille du traité de Pise, imposée par Louis XIV au pape après l'affaire de la garde corse à Rome en 1652. Nous avons vu tout à l'heure une des médailles, celle de la destruction de la pyramide concernant cette affaire de la garde corse. Cette médaille du traité de Pise est souvent oubliée par les auteurs qui évoquent cet événement, car il se limite aux trois médailles de l'édition de 1702. La pyramide érigée à Rome, l'audience du légat Flavio Chigi, neveu du pape, enfin, la destruction de la pyramide à la demande du nouveau pape, et nous avons vu que cette destruction de la pyramide était suivie d'une médaille montrant, on peut le dire, une espèce de réconciliation entre le roi et le pape, avec le tout symbolisé par la présence de la colombe du Saint-Esprit. Bref, de 1715 à 1723, les académiciens sont trop occupés par la deuxième édition de l'histoire métallique de Louis XIV pour songer à celle de Louis XV. La deuxième raison tient, à mon sens, à la modification des méthodes de travail de l'Académie à partir de 1723 et peut-être même dès 1715. Désormais, comme l'écrivent Joseph Jacquiot en 1974, puis Jean-Marie Darnis en 2009, je cite, « À partir de 1715, se consacrant plus particulièrement à l'érudition, la plupart des membres de l'Académie n'étaient plus directement intéressés par le travail des légendes. Aussi, le soin de rechercher des devises pour les médailles et pour les jetons avait-il été confié à une commission restreinte présidée par Gros de Beauze. Le secrétaire perpétuel, par ailleurs garde des monnaies et des médailles de la collection du roi, joue alors un rôle essentiel. Petit exemple, en 1722, il paraffe les registres d'inventaire dressés vers 1685, registres d'inventaire qui se trouvent au cabinet des médailles de la Bibliothèque nationale et qui répertorie l'ensemble des monnaies et des médailles de la collection royale à cette date de 1685, aussi bien pour les monnaies antiques que pour les monnaies beaucoup plus récentes, même contemporaines du roi, et que les médailles, et Inès et moi-même nous sommes habitués à travailler sur ces registres, elle pour les médailles et moi pour les monnaies. Et ces registres comportent l'indication des tablettes, je le dis en particulier pour M. Wellington, s'il est là, ça répond en partie à la question qu'il avait posée hier. Lorsque les devises avaient été choisies, elles étaient soumises à l'approbation de toute l'Académie, qui, le plus souvent, les approuvait sans y apporter de motif. Mais je nuancerai le propos parce qu'en général, avec le temps, c'est Gros de Beauze lui-même qui a donné la réponse à un certain nombre de demandes. Joseph Jacquiot fait ici état de la similitude de médailles de Louis XV avec certaines de Louis XIV. Je la cite, « Lorsqu'un même événement survenu sous les deux règnes invitait à utiliser un même corps de devises, en changeant à l'avers le portrait du roi, au revers la légende, les mots à l'exergue et la date, voilà ce que l'on peut dire. Donc on reprenait, et donc la commission reprenait quelques-unes des devises proposées par la compagnie sous le règne de Louis XIV, soit pour des médailles, soit pour des jetons. Il existait ainsi, selon Joseph Jacquiot, un portefeuille de devises auquel Gros de Beauze avait souvent recours. Gros de Beauze, c'est le personnage essentiel. Il était extrêmement méticuleux et l'abbé Barthélemy a porté sur lui un jugement concernant le soin qu'il portait tout particulièrement à la composition et à la perfection esthétique des allégories du revers des médailles. Selon Barthélemy, Gros de Beauze avait un talent distingué et une patience qu'il était encore plus. Il méditait longuement sur le sujet. Il donnait son idée à son secrétaire, qui lui renvoyait son avis. Ensuite, il retravaillait, puis après, il appelait Bouchardon. Bouchardon, à partir de 1737, sera le dessinateur privilégié d'un certain nombre de médailles. Et avant lui, il y avait eu Jean Duvivier, mais la plupart du temps ensuite, après 1737, ce sera Bouchardon. Après discussion entre Gros de Beauce et son secrétaire, une première ébauche était conçue, le cas échéant une seconde, puis le dessin était envoyé au ministre avec un mémoire dans lequel on retrouvait l'esprit de la médaille. Enfin, lorsque le projet était approuvé par le roi, il était envoyé au graveur et Gros de Beauce en surveillait l'exécution. D'où ma troisième raison. La troisième raison de l'absence de registre, enfin de livre, analogue à celui de Louis XIV, découle, à mon avis, du rôle exceptionnel joué par Gros de Beauce, qui justifia qu'il n'y eut pas de demande officielle du gouvernement royal, d'abord du duc d'Antin, puis du ministre Maurepas, avant 1746. Le 4 juin 1745, à propos d'un échange de correspondance entre Gros de Beauce et Maurepas, ce dernier fait part au secrétaire perpétuel, parce que Gros de Beauce est secrétaire perpétuel de l'Académie des inscriptions, qui siège également à l'Académie française. Maurepas fait part, donc à Gros de Beauce, des observations du roi concernant la médaille de la bataille de Fontenoy. Cette lettre annonce celle de 1746, relative à la prise de Bruxelles, et surtout la lettre du 23 octobre 1746, dans laquelle Maurepas écrit à Gros de Beauce. Ce texte est connu. « Je vous serai très obligé de me communiquer les idées qui vous viendront pour les médailles que l'on pourrait faire, afin que je puisse prendre les ordres du roi sur un ouvrage où l'on est parfaitement sûr de réussir que lorsqu'on a recours à vous. » En d'autres termes, Maurepas, le ministre, invite Gros de Beauce à réfléchir à la rédaction d'un ouvrage qui aurait dû être commencé depuis 1715. Nous sommes en 1746. Rien n'a été fait en son sens. Mais le ministre insiste en disant à Gros de Beauce qu'il est, lui, le seul capable de le rédiger, peut-être pas en le rédigeant tout seul, mais avec une petite commission, un petit groupe autour de lui, en tout cas qu'il est la personnalité la plus qualifiée pour animer une équipe de rédaction de ce texte, voire de faire ce livre lui-même. À travers cette lettre de 1746, en indiquant que pour être sûr de réussir, il faut nécessairement faire appel à Gros de Beauce, cela veut dire que l'on vise implicitement les éditions privées des ouvrages de Godonèche, puis de Fleurimont, publiés d'abord en 1727, puis en 1736, puis en 1748, le nom de Fleurimont remplaçant celui de Godonèche, mais ce sont les mêmes ouvrages, simplement augmentés, puisque on passe de 33 représentations de médailles dans la première édition à 78 dans la dernière. Le fait réveille le gouvernement royal, donc, en 1746. Seulement, à cette date, Gros de Beauce est âgé. Et il n'est apparemment plus en mesure de mener un tel travail. Et il mourra en 1753 sans que rien ne soit fait. L'édition officielle de l'histoire métallique de Louis XV ne verra ainsi jamais le jour. J'ai un problème avec l'ordinateur. Alors, les livres de Godonèche et de Fleurimont. On sait que la nature a horreur du vide. Dès 1727 paraît la première édition de l'ouvrage de Nicolas Godonèche, recueil qui sera interdit par l'Académie après avoir été vivement critiqué. Ce recueil, le voici. Voici l'original, je vous l'ai rapporté. J'ai hésité à le faire tourner parmi vous, mais enfin, finalement, je pense qu'il vaut mieux que je le garde près de moi. Mais enfin, si des personnes veulent le voir, toute personne voulant le regarder pourra le faire. Cet ouvrage comprend 33 planches de médailles, mais il faut que je vous parle d'abord de ce magnifique dessin qui paraît en première page. Je ne sais pas si vous pouvez lire sur l'écran la légende, je vous la lis. La pyramide qui s'élève dans les nuées est le symbole de l'immortalité. Un génie y attache le buste en médaillon de Louis XV. La gloire le couronne et la renommée qui le soutient annonce le héros à l'univers. À la base de la pyramide, divers génies arrêtent le temps et s'efforcent de l'enchaîner. Sur le devant, la France contemple avec admiration ce spectacle, tandis que son génie écrit les fastes du prince sur un bouclier suspendu en trophée à un palmier, et que d'autres enfants s'amusent à répandre des médailles, sur le globe de la Terre. On voit d'ailleurs un enfant qui puise des médailles dans un récipient et d'autres qui le mettent sur le globe de la Terre. Et il y a un élément qui m'a frappé, qui n'est pas détaillé dans la légende, c'est la présence tout à fait en arrière-plan d'un petit temple circulaire typique du XVIIIe siècle, mais qu'on trouve en général dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle où il est fort répandu. Et là, j'ai été extrêmement surpris de le trouver dans ce dessin de 1727, parce que c'est tout à fait inhabituel. Ensuite, j'ai un problème avec la souris. Donc, deuxième image concernant cet ouvrage, et je passe à la... finalement j'ai pas mis la troisième image, qui est l'adresse au roi. Je pensais l'avoir mise, mais je vais vous la lire. Le style est extrêmement flagorneur. Sire, tout ce qui nous retrace les principaux événements du règne de votre majesté occupe la première place dans le cœur de vos sujets. Et les médailles qui en conservent la mémoire ne sont que l'expression fidèle de nos sentiments. Ce sont ces mêmes médailles qui, avant que de parler aux yeux de la postérité la plus reculée, annoncent déjà votre gloire et notre félicité. J'y ai cru, sire, que votre majesté ne désapprouverait pas le dessein que j'ai formé de rassembler des monuments si précieux et de les faire passer de ses mains en celles de toute l'Europe. L'ambition est très grande. Ce travail touche de si près votre majesté qu'il m'inspire dès à présent la hardiesse de lui offrir, et il est d'autant plus flatteur pour moi qu'il peut devenir l'occupation de toute ma vie, je suis, etc. La formule classique avec votre profond respect, bien, ainsi de suite. Alors, voilà pour cet ouvrage de Godonèche qui comprend 33 planches. La dernière de ces planches s'arrêtant à l'année 1727, après le mariage du roi. Cette dernière planche concerne les préliminaires de la paix en 1727. Quelques remarques concernant les médailles qui sont représentées dans cet ouvrage de Godonèche. D'abord, le texte est très simple. Nous avons une courte description réduite au strict minimum. On voit le portrait, on voit le motif et on a les légendes latines avec leur traduction en français, la date et un titre concernant le thème. Il n'y a absolument aucun commentaire tel que nous en avions dans l'histoire métallique de Louis XIV. C'est totalement absent de ce livre, donc il n'y a absolument aucune explication. Ces médailles sont néanmoins très bien dessinées. En outre, elles sont présentées dans un encadrement artistique qui est quand même soigné, avec un certain nombre de motifs parmi lesquels on retrouve assez souvent le phénix, le paon ou un personnage qui porte une couronne radiée. Ces médailles se retrouvent naturellement dans l'ouvrage qui a été publié en 2009 par les consorts d'Ivo et qui reprend l'ensemble de la série uniforme des médailles de Louis XV, avec même quelques adjonctions, parce que dans le recueil des coins monétaires de la monnaie de Paris, on ne compte que 156 médailles, et dans l'ouvrage d'Ivo, on en compte 186. Je prends quelques exemples. Et une médaille concerne la guerre d'Espagne et la victoire de Fontarabie. C'est intéressant parce que de 1700 à 1715, Philippe V, le roi d'Espagne, petit-fils de Louis XIV, était l'allié de la France et nous avions les armées des deux royaumes. Mais en 1719, nous avons une brouille entre le régent et Philippe V. Et la France, à ce moment-là, recommence à faire la guerre à l'Espagne. C'est quand même intéressant de le souligner. Ensuite, nous avons une autre médaille qui m'intéresse beaucoup en tant que numismate. C'est la visite de la monnaie des médailles. Il y a également la réception de l'ambassadeur de Turquie qui fait penser à la réception des ambassadeurs du Siam que nous avions vu hier. Et puis, des médailles concernant la paix en 1720, puis en 1727, comme je l'ai dit, et aussi une médiation entre la Russie et la Turquie. Nous avons la médaille de la majorité, naturellement. Nous avons la création, la première création des chevaliers du Saint-Esprit pour le règne de Louis XV, qui a lieu en 1724. Et puis, chose étonnante, nous avons une médaille concernant la chasse. Alors, cette médaille-là, nous ne l'avions pas dans l'histoire métallique de Louis XIV, dont on sait pourtant qu'il était grand chasseur. Mais on la trouve chez Louis XV, il y a cette médaille concernant la chasse. Bien sûr, plusieurs médailles concernent le mariage. Et il y en a une encore qui m'a paru intéressante, parce que c'est la médaille qui montre comment Louis XV, pour gouverner, s'inspire du modèle de Louis XIV et des maximes de son arrière-grand-père. Ça, c'est quand même assez intéressant. C'est une médaille de 1726. Voilà pour ce qu'on peut dire de ce travail de Godonesh. Et en 1748, à la troisième édition, comme je l'indiquais, nous n'avons que 78 médailles du règne de Louis XV. Ensuite, on n'a rien. Il faut attendre 1836 pour avoir dans les trésors, dans le trésor de numismatique et de glyptique, une étude quand même assez détaillée et un répertoire relativement complet, pas exhaustif, mais relativement complet, des médailles de Louis XV. Puis les articles de Guiffret dans la revue numismatique à partir de 1884, puis, comme je l'ai indiqué, le recueil des coins monétaires conservés à la Monnaie de Paris, qui date de 1892, et enfin l'ouvrage de Françoise Page Diveau et Jean-Paul Diveau en 2009. Le temps qui m'est imparti ne me permet pas d'entrer dans le détail. Mais je veux quand même vous donner un certain nombre de thèmes qui sont traités dans ces médailles de Louis XV, donc qui sont au nombre de 186 pour la série uniforme selon Jean-Paul Diveau et Françoise Page Diveau. Et Louis XIV, il y en avait 320, ça a été rappelé tout à l'heure. Et quant à Joseph Jacquiot, dans son étude de 1974, elle fait connaître plus de 150 médailles. Parmi les thèmes, et ça fera plaisir à Inès, j'ai relevé l'architecture. Il y a beaucoup de médailles de Louis XV qui concernent l'architecture. L'église Saint-Sulpice, le phare de Cordouan, j'énumère, la ville fortifiée de Briançon, des ponts, le pont de Blois, le pont de Compiègne, le pont de Neuilly, les fortifications de Metz, le réseau routier, l'aqueduc de Saint-Germain, différentes statues équestres du roi à Bordeaux, à Rennes, à Paris, la place Saint-Sulpice, l'hôtel de ville de Rouen, l'université de Perpignan. Ça m'a beaucoup intéressé parce que l'université de Perpignan avait été obligée de céder ses locaux en 1710 pour accueillir l'atelier monétaire qui venait d'être créé. Elle n'avait pas eu le choix, elle avait dû partir, s'installer provisoirement, mais comme vous le voyez, elle n'est réinstallée qu'en 1759. L'église Saint-Geneviève, l'école militaire, ça c'est très important, l'école des Beaux-Arts et naturellement l'hôtel des Monnaies du Quai de Conti. Voilà un certain nombre d'exemples concernant l'architecture qui me paraissent intéressants. En ce qui concerne les monnaies, outre la visite à l'hôtel des Monnaies en 1719, il y a la stabilité, la médaille de la stabilité des monnaies en 1750, où on se glorifie de ce que la monnaie n'a pas varié depuis 1726. Un certain nombre de médailles sont consacrées à la guerre. notamment dans les années 1733-1735, où nous avons des opérations militaires, et surtout dans les années 1744 à 1746, avant la paix d'Aix-la-Chapelle, où nous avons des médailles, notamment consacrées aux campagnes de Flandre, la prise de Tournai, la prise de Bruxelles, la bataille de Fontenoy, bien sûr, et la bataille de Rocou. Nous avons plusieurs médailles qui concernent la santé du roi. Depuis 1721 jusque beaucoup plus tard, la maladie à Metz, notamment, sa convalescence, sa guérison. Bon, on en a un certain nombre. On a une médaille intéressante en 1732 concernant la bibliothèque du roi et son extension. Et puis, une médaille tout à fait originale qui concerne, en 1744, la mission des astronomes français, d'une part à l'équateur et d'autre part au pôle Nord. Alors ça, c'est vraiment un cas d'espèce. Il n'y a pas deux exemples de la sorte. S'agissant de la Lorraine, en 1730, on a l'hommage du duc de Lorraine, qui vient de succéder à Léopold. Et puis, dès 1737, on a une médaille qui évoque la réunion de la Lorraine à la France. Mais en 1737, la France reçoit la Lorraine tout en la donnant en viager à Stanislas Leczinski. Bon, ça ne gêne pas. On décide de la réunion de la Lorraine. De toute façon, Stanislas sera un roi de figuration puisque c'est l'intendant du roi de France qui, en Lorraine, possède la réalité du pouvoir. La Corse. Mais la Corse, elle est évoquée, je vais terminer, elle est évoquée en 1740, mais pas après. C'est une grande médaille qui, en 1770, en reparlera. La médiation entre la Russie et la Turquie. Vous voyez, c'est un certain nombre d'éléments que je vous ai donnés, et j'aurais voulu, mais comme je n'en ai pas le temps, je me permettrai de vous signaler le document très intéressant que Giffray avait publié en 1885 dans la revue numismatique, mais qu'il n'avait absolument pas développé. C'était sans un mot. Donc, personne n'y a fait attention, ni Joseph Jacquiot, ni les consorts d'Ivo par la suite. C'est à propos du mariage du dauphin. Maurepas a demandé à Gros de Beauce son avis. Gros de Beauce lui propose deux thèmes au choix de médailles pour le mariage du dauphin en 1745. Et le roi va choisir les deux thèmes. Il y aura donc deux médailles. Et là, c'est vraiment le garde, secrétaire perpétuel de l'Académie, qui prend la décision. Il explique dans une courte note au ministre ce qu'il propose pour la médaille, avec les légendes, toutes les descriptions, tout y est, il n'y a plus rien à ajouter, et tout est accepté. Et ça, c'est révélateur de l'influence énorme qu'a pris Gros de Beauce, c'est lui qui décide de tout. Et enfin, je terminerai sur ce point, je vous recommande aussi de prendre connaissance de ce petit texte en trois pages que j'aurais voulu vous montrer, mais qui est un texte, à mon avis, essentiel parce que c'est un mémoire concernant l'édition des médailles rédigé par Gros de Beauce à l'attention du ministre et qui lui explique tout le mécanisme qui est suivi à cette date de 1745 pour concevoir, approuver, dessiner, faire graver et éditer une médaille du souverain. Tout est résumé en trois pages et ce document est passé tout à fait inaperçu. C'est pour ça que je souhaite qu'il soit connu et commenté parce qu'il mérite de l'être. Mais je ne le ferai pas ce soir et je vous remercie de votre attention.